aux moines de poème par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Dominique Ducamu. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Aux moines. Moine venu vers nous des horizons gothiques, mais dont l'âme, mais dont l'esprit meurt de demain, qui retrempait l'amour dans ses sources mystiques et le purifiait de tout l'orgueil humain. Vous marchez, beaux et forts, par les routes des hommes, l'esprit encore fixé sur les feux de l'enfer, depuis les temps lointains jusqu'au jour où nous sommes, dans les âges d'argent et les siècles de fer. Toujours du même pas sacerdotal et large. Seul, vous survivez grand au monde chrétien mort. Seul, sans ployer le dos, vous emportez la charge comme un royal cadavre au fond d'un cercueil d'or. Moine, oh, les chercheurs de chimères sublimes, vos rêves, ils s'en vont par-delà les tombeaux. Vos yeux sont aimantés par la lueur des cimes. Vous êtes les porteurs de croix et de flambeaux autour de l'idéal divin que l'on enterre. Oh, les moines vaincus, altiers, silencieux, oh, les géants, debout sur les bruits de la terre, face d'astres brûlés par les astres des cieux, qui regardez crier autour de vous les foules sans que la peur ne fasse un pli sur votre front, ni que le vent d'effroi n'en fasse un dans vos coules. Oh, les moines que les siècles contempleront, moines grandis parmi l'exil et les défaites, moines chassés, mais dont les vêtements vermeils illuminent la nuit du monde et dont les têtes passent dans la clarté des suprêmes soleils. Nous vous magnifions, nous, les poètes calmes. Et puisque rien de fier n'est aujourd'hui vainqueur, puisqu'on a déchiré les lauriers et les palmes, moines, grands isolés de pensée et de cœur, avant que la dernière âme ne soit tuée, mes vers vous bâtiront de mystiques autels sous le vélum errant d'une chaste nuée, afin qu'un jour, cette âme au désir éternel, pensive et seule et triste au fond de la nuit blême, de votre gloire éteinte, allume encore le feu et songe à vous encore, quand le dernier blasphème comme une épée immense aura transpercé Dieu. Fin de Aux moines.